Vinci Rouge. Red Sky, Red Skunk. L'équipe Chip 9-4. VDF City. Ouais. Ok. Quartier Rouge sur le vivant. Les gars fight sur l'asphalte, carré Bagdad, les sci-sci sur la dalle, braille pour un casse-dalle. G.I.I. La flécaille déboire quand tu fermes l'œil, comme les frères fâches qui veulent te voir dans un cercueil. Y'a peu de poteaux, trop de poutas, y'a pas photo, 70-30 c'est le quota. Arrange-toi pour gémon correctement, nique le vêtement bleu qui te pète bêtement. En SOLO, j'marche en loose D, j'crache mon blues D, oh le son tu peux le booster. Encore un putain de texte, sous les thèmes restent les mêmes. Ouais j'm'amène chez Dan et ses putains de tests. Banlieues art story, rien de shit. Toujours autant de chômeurs et toujours autant Schmitt. Toujours autant de spliffs qui tournent comme les secondes. Et pour ma part toujours autant de ça c'est la chronique de banlieue. Un mec qui vient de banlieue, un mec qui vit au milieu des clebs et des envieux. Un mec qui veut du pèse, un mec qui veut gratter le jazz du rap biz. Ça c'est mes chroniques de banlieue. Un mec qui vient de banlieue, un mec qui vit au milieu des clebs et des envieux. Un mec qui veut du pèse, un mec qui veut gratter le jazz du rap biz. C'est dur mais je fais ski, les stripteaseuses et leur show aseptisé. Cheese Alex et avec les refs par les kiss dépistés. Aïe, trop de paille, pas assez de maille, pareil. Mensonge, j'en veux pas du succès si celui-ci marche avec rançon. Faut du cash, trop de mashtock qui douille ma gueule. Le homard, le caviar, j'connais pas Wom Chase, cuisine, manioc, ok. Riz, carré, poulet, rougaille, tomate, piment, la pâte, coco, haricots, affaire l'âme, mais comme ça. J'reste simple comme un wesh, bien ou quoi. On dit quoi, y'a pas de y'a quoi, sourire narquois. Ça c'est mes chroniques de banlieues arts. Y'a pas de lumière, nous on reste dans le noir. C'est toujours la même chose. Les schlacks qui grattent, les stars qui guettent, les tasses qui se plaignent et les frères qui craquent. Ça c'est mes chroniques de banlieue. Un mec qui vient de banlieue, un mec qui vit au milieu des clebs et des envieux. Un mec qui veut du pèse, un mec qui veut gratter le jazz du rap biz. Ça c'est mes chroniques de banlieue. Un mec qui vient de banlieue, un mec qui vit au milieu des clebs et des envieux. Un mec qui veut du pèse, un mec qui veut gratter le jazz du rap biz. J'ai pour les Fenex sur la sellette. Vite var creux, j'fais un break, hey, select. Mets un son pour que je recrache mon sky coca. Mon rhum ananas et mon jus de pomme vodka. Dans mon putain de stylo, c'est l'hostilité. Je marque mon temps avant de voir mon style fossilisé. Marianne veut nos têtes, faut qu'ils sont pour nani, putain. Ça part en vrille, mon ami, putain. En plus, Chétan me file le train. Mais bon, c'est pas une chienne de vie, j'irai juste une vie chien. À mon tour de gratter comme un acarien ou Shikai carrier. Sans plan de carrière, pas rien. J'pose le R, le E, le D, le S. Le reste, rien à foutre, les bestes de la banlieue Est. Quartier rouge survivant dans cette putain d'époque. Banamoukade, ben l'effet fancazote. Ça c'est mes chroniques de banlieue. Un mec qui vient de banlieue, un mec qui vit au milieu des clebs et des envieux. Un mec qui veut du pèse, un mec qui veut gratter le jazz du rap biz. Ça c'est mes chroniques de banlieue. Un mec qui vient de banlieue, un mec qui vit au milieu des clebs et des envieux. Un mec qui veut du pèse, un mec qui veut gratter le jazz du rap biz. Ça c'est mes chroniques de banlieue. Un mec qui vient de banlieue, un mec qui vit au milieu des clebs et des envieux. Un mec qui veut du pèse, un mec qui veut gratter le jazz du rap biz. Ça c'est mes chroniques de banlieue. Un mec qui vient de banlieue, un mec qui vit au milieu des clebs et des envieux. Un mec qui veut du pèse, un mec qui veut gratter le jazz du rap biz.